que la pluie passe au devant. Comment dire que dans ma porte se rue et s'écorde le vent? Comment dire l'espoir est d'encre et fend la gorge des oiseaux? Comment la barque se désancre et l'espérance au fil de l'eau? Que toi, si tu étais un arbre, tu ferais un si beau bateau. Comment dire le blé en plaine est plus blanc que dès le matin? Et le temps qu'on passe à la chaîne, qu'on passe à délier ses mains. Comment encore dire peut-être, comme on ouvre sur les passants, comme le temps d'une fenêtre, on voit passer le jour errant. Que toi, si tu étais de marbre, tu ferais un si bel anneau. Comment dire si la détresse des mal-aimés veille seins nus, tandis que les songes les pressent aux rêves qu'ils n'ont jamais vus? Comment dire toutes ces choses qui ne serviraient qu'à vieillir, qu'à hâter la mort et la rose, et parler à perdre le dire? Que toi, si tu étais de sable, tu ferais un si beau ton.